mon idole, t'es mon musicien préféré. Je revois tes yeux bleus emplis de feu qui me regardent, moi. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. C'est la 69e interview aujourd'hui. Je suis super contente d'interviewer une chanteuse, candidate de l'émission The Voice de cette saison 12 de 2023. Alors pour vous laisser un peu de suspense, chers auditeurs, je vais l'appeler invitée mystère les premières minutes de cet épisode, avant qu'elle nous révèle son identité, évidemment. Bonjour. Chers auditeurs, merci d'être avec nous déjà. Moi, c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc, j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. On parle beaucoup ici de cosmétiques naturels. Je vous fais découvrir des marques engagées, comme la marque française Pomponne, qui crée des produits de maquillage qui ont une action soin. Donc je vous la recommande vivement si vous souhaitez passer au maquillage naturel. Je viens de recevoir mon code affilié qui permet d'obtenir une réduction de 10% sur tous les produits Pomponne. Donc si vous souhaitez les découvrir aussi, ce code c'est Beauté Imaginée 10, tout attaché en majuscule. Personnellement, The Voice fait partie de mes émissions préférées. Et en plus, c'est une émission pendant laquelle la voix est mise à l'honneur avec ce concept des fauteuils retournés. Donc, il y a un petit parallèle aujourd'hui avec cette interview à visage caché. Oui, clairement, clairement. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que le chant est entré dans ta vie? Bah, moi, le chant, c'était vraiment depuis que j'étais toute petite. Je pense que ça a commencé avec mon premier Disney. J'avais regardé Aladdin et je chantais en boucle Ce rêve bleu. Et depuis, j'ai jamais lâché la musique. Donc voilà, depuis que je suis toute petite, je chante. Et puis après, je m'y suis mis un peu plus sérieusement vers mes 12-13 ans. J'ai commencé à prendre des cours et à poster des petits covers sur Internet, tout ça. Dès 12-13 ans, tu as posté sur Internet. Ouais, je postais déjà des covers sur YouTube en particulier parce que à l'époque c'était vraiment à la mode en fait de mettre des covers sur YouTube. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'y mettre, enfin à prendre la musique au sérieux et à avoir éventuellement un avenir professionnel dedans quoi. Discipline. Ouais, clairement. Comment tu t'es motivée ou enfin quand et comment oui, tu t'es motivée à t'inscrire à The Voice alors? Bah du coup, The Voice, moi ça a été hyper tôt. Enfin, j'ai commencé. La première fois, en fait, on m'a castée justement sur une de mes vidéos sur YouTube. J'avais fait un cover qui, à l'époque, avait dépassé les 1000 vues. Enfin, voilà. C'était un cover de Je te promets. J'étais toute petite, j'avais 12-13 ans. Puis, il y a une casteuse qui m'a contactée. Et puis c'est là que j'ai fait mon premier casting de The Voice. Ah d'accord, donc oui, c'est via ta présence sur Internet que tu t'es fait remarquer. Exactement. Et puis après, j'ai jamais arrêté les castings. Tous les ans, je retentais jusqu'à que ça marche, quoi. 20 ans après, 30 ans après, on ne sait pas puisqu'on ne sait pas encore ton âge, mais Ouais. ça a fonctionné cette année 2023. Eh bien, c'est le moment de découvrir qui se cache derrière cette voix. C'est vraiment rigolo en tout cas. Et c'est Jade, merci Jade, Hello. rebonjour. Rebonjour. C'est donc toi, mon invité mystère aujourd'hui. Jade, tu es une artiste complète puisque tu chantes, tu danses aussi, tu joues du piano également. Oui, je joue aussi un peu de piano à mes heures perdues dans ma chambre pour mes petites vidéos, mes petits covers sur Instagram. Voilà. Lors des auditions à l'aveugle, tu avais chanté Mon idole et les coachs Zazie et Amel Bent s'étaient retournés. Ouais, effectivement, exactement. J'étais super contente d'avoir l'honneur que deux artistes aussi grandes et avec autant de succès en France se retournent pour ma voix, quoi. Je me sentais vraiment honorée. Je comprends, c'est très valorisant, au point même que Zazie avait carrément super bloqué Amel Bent. Ouais, ça a été vraiment le petit point bonus au-dessus où je me suis dit waouh, quand même, j'ai quand même beaucoup de chance parce qu'un fauteuil qui se retourne, c'est bien, mais un super bloc, sachant qu'en plus c'est une nouvelle règle, je me suis vachement sentie en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi, quoi. Tu l'as touché en, en plein cœur. Est-ce que tu es d'accord pour nous replonger un peu dans ces auditions à l'aveugle? Tu veux que je chante du coup? Ok, alors. T'es mon idole, t'es mon musicien préféré. Je revois tes yeux bleus emplis de feu qui me regardent, moi. Voilà. C'est vraiment très joli, tout en émotion. Merci beaucoup. Chers auditeurs, là, nous allons en savoir plus sur le parcours de Jade et puis sur sa mise en beauté lors de l'émission. Et vous aurez, comme d'habitude dans Beauté Imaginée, trois informations à deviner à son sujet. Les voici. Quel est l'âge de Jade? Quel baccalauréat a-t-elle passé? Et à quel autre casting a-t-elle participé? Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la chanson Mon Idole? Alors moi, à la base, par rapport au casting de cette année, j'avais beaucoup de mal à faire un choix musical parce que c'est toujours quelque chose d'assez complexe, surtout dans une émission comme The Voice. Je voulais pas faire quelque chose qui avait déjà été fait 1000 fois. Puis surtout, je voulais prendre un truc qui me touchait et qui se rapprochait de mon histoire, tout simplement. Donc je voulais juste aller dans le vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette chanson, puis aussi parce que Jamie, c'est une super artiste et elle n'est pas assez mise en avant, malheureusement, en France. Elle a des super textes et des super chansons qui sont un petit peu cachées. C'était aussi une occasion de mettre une autre belle artiste en avant dans une émission comme The Voice, quoi. Tu chantes principalement en français? Alors, j'ai eu une période très, très, très américaine, tout ça. Il y avait un moment où je chantais presque que ça. Après, avec le temps, enfin depuis 1 an ou 2, je dirais, j'ai commencé à prendre plaisir et à ressentir plus de choses en fait en chantant dans notre langue. C'est surtout que, bah, en France, on a quand même de très beaux textes, de très beaux artistes. Je trouvais ça important dans notre pays de chanter notre langue, tout simplement. Il y a un petit côté chauvin alors. Et quand du coup tu as été sélectionné, est-ce que tu t'attendais au départ à être dans l'équipe de Zazie? Enfin, tu avais fait un peu une projection Ouais. Bah, moi, je m'imaginais vraiment chez Zazie. À la base, c'était vraiment la première coach que je voulais, en fait, tout simplement. Ça faisait des années que je la voyais à la télé, ça faisait des années que je voulais travailler avec elle. Après, je dois avouer que sur le moment, en fonction justement des retours que j'ai pu avoir de la part des coachs, sur le moment, j'ai failli flancher et aller vers Amel Bent parce que c'était aussi quand même une artiste qui a marqué mon enfance et tout, avec ma philosophie, etc. Donc, je l'aimais beaucoup, puis c'est une très bonne chanteuse surtout. Donc, j'avoue que sur le moment, j'ai failli flancher en fait et aller avec Amel, quoi. Mais à la base, c'était Zazie le premier choix. Donc, D'accord. j'étais plutôt contente que ça reste comme ça et surtout qu'elle utilise son super bloc pour moi. Du coup, tout rentrait parfaitement bien, quoi. Plus besoin de se positionner au moins, c'est vrai. Exactement. Alors, côté mise en beauté sur The Voice, comment ça se passe? Et ben, donc en fait, il y a des maquilleuses sur place qui sont là pendant les tournages, pendant les interviews, etc., qui sont tout le temps en train de nous bichonner et de nous remaquiller. En général, on leur dit ce qu'on veut, en fait, tout simplement, et après, elles le reproduisent à la perfection. Moi, j'étais super surprise du travail qu'elles ont pu fournir parce qu'elles travaillent vite et elles travaillent bien. Et même bah, le matériel qu'elles ont, c'est impressionnant, quoi. C'est des valises entières de maquillage. On sent que c'est très très pro, très encadré. Et c'était vachement agréable, surtout que les maquilleuses étaient super gentilles. Elles nous déstressaient bien avant qu'on monte sur scène à chaque fois ou qu'on se fasse interviewer. Donc bah, c'était super cool, en fait, tout simplement, de ne pas avoir à le faire soi-même en plus. Sur le moment, tu te sens un peu comme une mini-star, pardon. Et c'est trop cool. Au niveau de leur mallette, j'imagine qu'il y a toutes les teintes possibles, par exemple pour le Ah ouais. teint. T'as toutes les teintes possibles. T'as le genre de maquillage où tu vas à Sephora qui coûte 60 € que tu ne pourras jamais t'acheter parce que c'est juste beaucoup trop cher. Il y a de tout, en fait. Je me rappelle, Je me suis dit, bon, je vais leur demander, je ne sais pas si vous voyez lequel, le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, le rouge à lèvres mat, là. Je me suis dit, jamais elles l'auront, mais en fait, si, elles l'avaient, quoi. Enfin, elles ont de tout, elles ont du Dior, du Charlotte, du Chanel, tout, en fait. Tout ce dont on a besoin pour maquiller les gens. Et c'est vraiment agréable, en fait, tout simplement, de se faire maquiller par des pros. Et surtout qu'on du matériel comme ça, c'est quand même une chance, surtout pour les gens comme moi qui adorent tout ce qui est univers cosmétique, etc. Donc toi, tu avais une idée assez claire en fait de des teintes que tu souhaitais. Ah oui, moi j'étais. En fait, quand je me suis inscrite, etc., et que j'ai pu du coup passer le casting final pour aller sur le plateau, je savais déjà à l'avance comment je voulais être habillée et comment je voulais être maquillée. Après, pour la petite anecdote, le seul truc où j'ai été un peu déçue, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir de l'highlighter sur les plateaux télé. C'est pas possible parce qu'à cause des éclairages, ça le prend mal, tout simplement. Donc, là, j'étais un peu triste, mais à part ça, voilà. Ça ferait un mauvais rendu. Ouais, exactement. Par exemple, moi, je sais que je mets souvent un peu d'highlighter sur le nez. Et la maquilleuse m'avait expliqué que justement, eux, ils n'en mettaient pas parce qu'en fait, ça grossit tous les traits en fait avec la caméra et les éclairages. Donc, du coup, j'ai dû me passer de ça. Je savais pas du tout. Au niveau de la tenue, alors, voilà, toi, tu étais pour les auditions à l'aveugle, tu portais un tailleur plutôt sombre. Ça, c'était. Enfin, t'as hésité, tu savais directement ce que tu souhaitais. Alors à la base j'étais partie sur un... j'avais toujours le tailleur que j'avais en haut, ma veste noire là. Mais à la base j'avais mis une petite jupe avec. Sauf que au final changement, je voulais pas qu'on voit mes jambes. Voilà, ça c'est mon petit complexe. Donc, je voulais pas qu'on voit mes jambes. Donc je suis partie sur un pantalon bien taillé, bien classe, que justement les stylistes m'ont gentiment prêté pour les auditions à l'aveugle. Parce qu'il y a aussi des stylistes sur le plateau qui travaillent derrière. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont là pour que tout se passe bien et ça c'est vraiment super cool. Donc, on a passé 20-30 minutes à essayer plusieurs pantalons qui maillent et qui rentrent bien avec la tenue. Ah d'accord, donc en fait tu as vraiment un rendez-vous avec la Ah styliste ou le oui. styliste, Ah bien tu sûr. évoques ce qui te plairait et ensuite tu as plein d'essayages. Exactement. Exactement, c'est comme ça tout au long de l'émission. En général, en plus, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Ils ont vraiment tout. Le styliste est super. Ils sont très à l'écoute. Et ça, c'est vraiment génial. Ils savent s'adapter en fonction des candidats et du style de chacun. Donc, c'est vraiment cool de travailler comme ça. Mais ça veut dire qu'ils ont énormément de pièces sur place dans toutes les tailles? Ouais. Ils ont énormément de pièces sur place. Je n'ai pas vu après le dressing de tout ce qu'ils avaient, mais étant donné que quand on fait l'émission, on est énormément à la base avant les auditions à la parce que derrière, il y a plein de choses qui se passent. On était plus de. Je crois qu'on était à peu près entre 60 et 80 candidats le jour des auditions à l'aveugle. Donc ça fait beaucoup. Donc, ouais, ils ont de tout pour tout le monde en fait. Vraiment. Ah, c'est rigolo, ouais, il faut un sacré dressing en effet. Ah oui, bah ouais, faut de tout, de toutes les couleurs. Moi, j'ai été vachement surprise d'ailleurs qu'ils aient exactement ce dont j'ai besoin et que surtout ils captent assez vite mon style vestimentaire en fait, tout simplement. Pour ta deuxième représentation, tu portais du coup, c'était une combinaison avec des épaules dénudées. Ouais, c'était une combinaison naf-naf que justement aussi je me suis fait prêter par l'émission. Ça a été vraiment incroyable parce que c'était la première fois que, bah, tout simplement que je mettais une combinaison qui m'allait en fait exactement comme je le voulais. Ça, je me sentais super bien dedans. Je me rappelle que juste avant de passer, justement, je leur avais demandé un truc un peu un mélange de Mercredi Adams, c'est un truc assez classe. Et ils m'ont trouvé directement les choses, ils m'avaient ramené quatre robes. J'ai hésité quand même, mais celle-là c'était la plus. Enfin, je trouvais qu'elle était vraiment magnifique donc, j'avais pris celle-là. Elle était superbe, en effet, bon choix. Niveau maquillage, alors, c'était relativement sobre, ton choix. Je voulais pas non plus partir sur des maquillages trop chargés ou qui pouvaient faire un peu too much parce que déjà que la tenue était déjà assez, on va dire pas extravagante, mais voilà, la tenue on la voyait. Je voulais pas en faire trop, puis surtout je voulais qu'on se concentre plus sur les émotions et sur ce que je voulais dire que sur mon physique, quoi. Surtout dans une émission comme The Voice où on passe à la télé et où du coup il y a ce truc justement de télé où il faut être parfait, etc., physiquement, machin, tout le temps. Donc c'était important pour moi quand même de rester centrée sur le côté musique pendant l'émission, quoi. D'où le côté sobre au niveau des couleurs pour pas trop distraire, entre guillemets. Et au niveau de tes ongles, du coup, tu portes les ongles très longs? Ouais, je porte les ongles très longs. Je sais qu'il y avait à mes auditions à l'aveugle, j'avais fait un noir un peu pailleté que vraiment j'avais adoré. Merci à Lisa Ongle qui me les a fait, ils étaient super. J'aime bien les porter longs comme ça, surtout à la télé, comme ça se voit, on les voit bien. Après, avec du recul, quand j'ai revu les émissions, quand même, je les ai trouvés vachement longs. Je me rendais pas compte il y a encore quelques mois. Maintenant, je les referai pas aussi longs, mais ouais, dans la vie de tous les jours, en général, j'ai toujours les ongles. Mais toujours les couleurs très sobres. Moi, j'aime bien le blanc, le noir et le gris. Voilà, c'est mes couleurs. Et côté coiffure, alors, donc tu portais lors de l'émission une frange rideau, comme on dit, qui participait d'ailleurs au côté un peu mystérieux dans tes interprétations mélancoliques. Donc, c'était assez cohérent, je trouvais, avec ton style entier. Ça faisait longtemps que tu la portais? Ouais, la frange rideau, ça faisait un moment. En fait, je crois que je la porte depuis que j'avais à peu près 14 ans. Donc, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. J'ai jamais osé l'enlever. Je pense qu'inconsciemment, je me cachais un peu derrière le fait d'avoir toujours le regard pris par mes cheveux, etc. Maintenant, c'est plus le cas. J'en ai eu marre, j'en ai eu assez. Mais ouais, je me cachais vachement derrière cette petite frange. Puis surtout qu'il y a eu un moment, je crois que c'était l'année dernière justement, c'était hyper tendance d'avoir la frange rideau. Donc je me suis dit, ça tombe tout pile parfaitement, quoi. Donc là, tu l'as retiré, tu te livres au monde maintenant. Voilà, exactement. Maintenant, je regarde les gens, je veux qu'on voit mon visage, je me cache plus derrière ça. J'ai décidé de laisser mon visage plus ouvert aux gens, quoi. Côté coiffure, est-ce que y a également voilà des c'est les maquilleuses ne coiffent pas, c'est il y a deux équipes différentes. Ouais, il y a deux équipes différentes. Par contre, moi, je suis pas allée assez loin dans l'émission pour arriver au stade des coiffeuses, mais si mon souvenir est bon, elles arrivaient beaucoup plus loin, en fait. Elles arrivaient vers la fin de l'émission, peut-être à partir des lives, demi-finale ou quoi. Donc là, tu étais autonome, alors ça veut dire. Ouais, on était autonome au niveau des coiffures, on devait se coiffer tout seul. Par contre, après, bon. En général, de toute façon, moi, je sais que je fais des choses assez simples quand même. Je suis pas très coiffure en vrai de cheveux. Moi, les cheveux lâchés, j'aime bien, ça me suffit largement. Et au quotidien, justement, quelles sont les marques que tu apprécies niveau soin visage? Est-ce que tu as des chouchous? Ouais. Alors soin visage, moi, alors il y a la crème Nivea, crème hydratante classique, le petit pot blanc. Que je suis depuis que je suis toute petite, ça changera jamais. C'est la meilleure crème du monde, vraiment, je la conseille à tout le monde. Et après, il y a aussi CeraVe ou CeraVe, je ne sais pas comment on dit. C'est une marque créée par des dermatologues qui est super, qui est très, très à la mode sur TikTok. En ce moment, on la voit un peu partout. Donc, j'ai voulu l'essayer, je la trouve vraiment, vraiment top. Elle agresse pas la peau, il y a beaucoup de composants assez cool dedans. T'as aussi un produit de démaquillant, par exemple? Ouais, justement, c'est le gel démaquillant CeraVe que j'utilise, qui est super, qui est vraiment top. Pour le visage, tu te démaquilles d'abord avec ce gel-là et ensuite tu as ta crème fétiche. Exactement. Yes. Oui, je crois que c'est une des crèmes les plus vendues, si je ne me trompe pas. En effet, la Nivea que tu décris. Côté maquillage, du coup. Kiko, beaucoup de Kiko. Du coup, je suis passée à Charlotte Tilbury il y a quelques temps, j'ai pas pu en empêcher. Après, pour les lèvres, ça m'arrive d'acheter par exemple les crayons à lèvres, juste Sephora, tout simple. Mais moi, c'est du Kiko pour les yeux, pour les sourcils, pour les lèvres, pour le teint aussi, j'utilise beaucoup de Kiko. Après, récemment, j'ai aussi essayé des produits Shein. Voilà, après, c'est pas grande qualité, mais je sais que j'ai un highlighter qui vient de chez là-bas qui fonctionne très très bien. Mais en général, moi, c'est Kiko et Charlotte Tilbury et Fenty Beauty aussi de temps en temps, mais c'est plus pour les lèvres que j'utilise Fenty Beauty. D'accord. Et est-ce que les compositions, enfin quand tu choisis un produit, est-ce que le côté composition éventuellement naturel, c'est un argument, un critère pour toi ou pas spécialement? Alors, j'avoue que pour ce qui est des grandes marques comme Charlotte Tilbury ou Fenty, je ne regarde pas spécialement, malheureusement. Par contre, je sais que chez Kiko, ils ont pas mal de produits qui sont cruelty-free, où ils testent pas sur les animaux. Donc ça, c'est un truc qui, pour moi, est très, très, très important. Et vu que 90% de mes produits viennent de là-bas, moi, c'est quand même un petit critère. Je sais qu'en général, je regarde sur les packagings, parce que je suis très protection des animaux. Je suis à fond là-dedans. Donc c'est quand même un peu important pour moi d'utiliser des produits qui sont pas... Vegan. Ouais, des produits Enfin, véganes, puis c'est toujours mieux en plus. alors c'est vrai que pour le côté cruelty free, l'Union européenne du coup interdit depuis plusieurs années le test Ouais. sur les animaux, mais on continue à le trouver sur les différents packagings. Et après il y a la dimension vegan du coup, le fait de ne pas avoir de produits issus des animaux comme le miel ou le rouge cochenille pour les rouges à lèvres. Donc ça Ouais, c'est un argument qui peut te convaincre aussi. ça c'est aussi important pour moi, clairement. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter, un produit mal utilisé un jour, par exemple? Pas spécialement, mis à part que quand j'étais petite, je mettais beaucoup trop de blush. Voilà. Ou alors, une fois, je sais que j'avais genre 7 ans et j'avais cassé tous les maquillages dans la chambre de ma tante. Genre des produits Dior, des trucs qui coûtaient bien cher. Mais à part ça, T'avais non. tout essayé? Ouais. T'avais tout essayé et ça les avait cassés? Ouais, j'avais appuyé trop fort sur le rouge à lèvres. Enfin, j'étais petite, quoi. Tu t'étais amusée et elle avait dû être ouais, Ouais. pas très contente. Ah ouais, clairement pas. C'est drôle. Ouais. Tu as également tourné ton clip YouTube pour ta chanson À l'encre de nos Je t'aime. Ouais. Et là, tu portais des paillettes comme maquillage. Donc, c'est toi qui t'étais maquillée. Alors non, pas du tout. J'avais pris une maquilleuse qui s'appelle Alexia, qui est super. Elle est basée du coup dans le sud de la France. Très, très créative dans les make-up qu'elle fait. Donc c'est pour ça que j'étais venue vers elle. Je l'ai connue grâce à justement une autre candidate de The Voice qui était avec moi le jour de mes auditions à l'aveugle, grâce à Mary Mitten. Elle avait déjà travaillé avec elle. J'avais adoré ce qu'elle avait fait. Donc je l'ai contactée. Après, je sais que pour le clip, je m'étais inspirée beaucoup... Justement, je voulais représenter les larmes de façon enfin, qu'on puisse les voir, quoi. Je m'étais beaucoup inspirée d'Euphoria, parce qu'à cette période-là, pareil, c'était la période où Euphoria, c'était grave en vogue. Et moi, en général, quand je rentre dans une série, je n'en ressors pas. Donc, je m'en sers aussi dans mes projets artistiques. Je m'inspire un peu de tout ce que je vois au quotidien et ce que je peux regarder ou écouter. Donc je m'étais inspirée, ouais, des maquillages de Euphoria, de Maddy dans Euphoria exactement, pour cette idée justement des gouttes de larmes avec des faux diamants là qu'on collait. Mais du coup, c'est elle qui m'a maquillée et qui a fait un super travail d'ailleurs. C'est très joli, ça rendait très bien en Mmh. effet. Nous allons passer à la rubrique Les auditeurs s'imaginent, puisque chers auditeurs, dans Beauté imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Voici les informations à deviner aujourd'hui concernant ma belle invitée Jade. Quel âge a Jade? Quel baccalauréat a-t-elle passé? Et à quel autre casting que The Voice a-t-elle participé? Nous avons eu 19 ans, Mmh. baccalauréat. S, la France a un incroyable Ah talent. bah du coup non, tout est Il pas... n'y a pas de bon. Nous avons également 22 ans. Bac S, encore casting nouvelle star. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas. 22 ans, bac L. Alors pour le bac L, c'est juste, j'ai passé un bac avec... Parce que moi j'ai fait le nouveau bac... Donc j'avais des spécialités très très très littéraires. Voilà, ça peut donner peut-être un petit indice sur mon âge éventuellement. Mais du coup, ouais, moi c'était un bac L. Mais je n'ai pas 22 ans. Alors dis-nous, quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Là, je vais sur mes 19 ans en juillet. Et au niveau de tes études, donc après ton baccalauréat, tu as Mmh. intégré... Je suis dans cette école en fait en formation depuis que j'ai 14 ans. Donc déjà au collège, j'étais dedans. C'est une école qui s'appelle la Diamond School où je suis formée professionnellement aux arts de la scène où je chante, je danse. J'ai des super profs qui se tuent à la tâche toute l'année pour nous offrir l'opportunité de faire des beaux spectacles, de faire des grands spectacles dans des superbes salles dans le sud justement. Et du coup, je suis formée là-bas depuis un petit moment, depuis 5 ans maintenant, je crois. Là, je vais sur ma 6e année. Et cette année, j'ai intégré justement leur compagnie professionnelle. Donc, ça me permet de faire beaucoup de scènes grâce à ça. De façon locale, c'est ça, il y a des spectacles réguliers organisés. Exactement, ouais, exactement. On fait des spectacles pour nous. On fait aussi des spectacles pour des associations comme les Restos du Cœur, par exemple. Donc c'est vraiment une chance, c'est vraiment une opportunité de pouvoir se présenter sur scène de façon régulière comme ça. C'est toujours un vrai plaisir, quoi. C'est via cette école que tu as appris le piano, par exemple? Alors non, pas du tout. Moi, le piano, j'ai appris un peu en autodidacte. J'avais fait 2, 3 cours, mais c'était plus des cours de solfège quand j'étais enfant, vers mes 10-12 ans. Je m'étais mise au piano. J'ai vite arrêté parce que je ne suis pas une très très bonne élève. Moi, en général, je ne suis pas très scolaire. Je préfère travailler pour le plaisir. Quand je travaille, c'est vraiment pour moi. J'ai du mal avec tout ce qui est autorité, tout ce qui est travail scolaire, tout ça, j'arrive pas. Moi, je suis plus dans le ressenti et l'artistique, donc ça me saoulait de devoir faire ça. Donc après, je me suis mise toute seule. Justement, je m'accompagnais en fait en des covers, et c'est comme ça que c'est venu quoi, le piano. Et pour la danse? Alors pour la danse, j'avais déjà fait beaucoup d'années de danse classique quand j'étais petite, de mes 6 ans jusqu'à mes 10-11 ans, je crois, si mon souvenir est bon. Et après, j'avais arrêté parce que j'ai fait de l'équitation entre-temps. Et puis, j'ai repris la danse, donc le modern jazz, dans cette école, justement, la Damon School, où j'ai fait du modern jazz, et j'ai été formée par mon professeur. Après, moi, la danse, c'est vraiment, je le fais par passion, vraiment, il n'y a aucun but de éventuellement en faire mon métier ou de me professionnaliser dedans. Moi, c'est vraiment juste pour le plaisir que j'en fais, et ça me va très bien et j'adore toujours autant ça, et je suis pas prête d'arrêter, quoi. Et alors, concernant l'autre casting auquel tu as participé? Du coup, l'autre casting auquel j'ai participé, c'était l'année dernière, du coup. C'était pour la Star Academy de cette année, la dernière édition qu'il y a eu, le renouvellement de la Starac. Malheureusement, je n'ai pas pu être prise parce qu'en même temps, je faisais aussi le casting de The Voice. Donc j'ai dû faire un choix entre les deux, quoi. Ça coïncidait mal. Ouais, parce qu'en fait, au niveau des castings, c'était au même moment, en fait. Donc il fallait que je décide entre les deux émissions, sauf que vu que moi, The Voice, c'était mon rêve depuis toute petite, je me suis dit que j'allais rester dans mon but premier, quoi. Et t'as bien fait alors. Oui. Et est-ce qu'il y avait une différence au niveau de l'organisation? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une anecdote peut-être par rapport à l'autre casting? Non, pas forcément de différence. Comme beaucoup de castings télé, il y avait beaucoup d'étapes, évidemment, à chaque fois avant d'arriver à la fin du casting. Après, je sais juste qu'eux, ils faisaient beaucoup par appel téléphonique, tandis que The Voice, c'est quand même vachement en présentiel. Enfin, en fait, c'est tout le temps en présentiel, les castings de The Voice. Eux, je sais qu'avant de les rencontrer, il y avait quand même deux, trois étapes à faire par Internet, etc., vidéo et tout ça, quoi. Alors que The Voice, tu n'envoies pas de vidéo de toi. Pour moi, c'était un peu différent parce que ça faisait déjà plusieurs années que je tentais les castings. Donc, les casteurs me connaissaient depuis que j'avais 12 ans. Donc, ils savaient déjà, en fait, ce que je faisais. Et surtout, l'école dans laquelle je suis, notre parrain, c'est Bruno Barberès, qui est le directeur des castings de l'émission, justement. Donc, en fait, tous les ans, il y a un peu un casting sauvage où, en fait, il vient dans l'école et où il caste plusieurs artistes. Et c'est là qu'il décide, justement, s'il les fait monter sur Paris ou pas, quoi. Ça veut dire que tu vois la plupart, enfin beaucoup d'autres candidats. Ah ouais, tout le long en fait des castings et des étapes de casting, on voit la plupart des candidats. Après, en fait, à la base, on est quand même énormément, donc il y en a quand même beaucoup qu'on ne retrouve pas en chemin, en fait. Il y en a beaucoup qui partent. Et en termes de pression, du coup, que ça peut apporter, est-ce que c'est dur de ne pas se comparer aux autres? Je sais que moi, je bloquais vachement toutes ces pensées négatives là que je pouvais avoir. J'ai eu des moments où quand même je me disais pourquoi, enfin ça a duré un quart de seconde, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me prend de faire une émission pareille, il y a des super chanteurs en face de moi, machin et tout. Il y a eu ce truc de comparaison, mais je sais que ça l'a fait en fait à énormément de candidats au long de l'émission, puisque on est quand même tous très proches et on parle beaucoup parce que là-bas on est vraiment enfermés entre nous dans notre petit monde, quoi. Et je sais que ça a fait ça en fait à pas mal de gens, ce truc de remise en question, de questionnement, de oh là là, lui il est incroyable, genre lui il a une qualité dans la voix que moi j'aurais jamais, et inversement. Et du coup, il y a ce truc de comparaison qui peut vite arriver, ouais, mais quand tu réfléchis quand même de façon saine, etc., tu te dis bon, si les casseurs ils ont décidé de me prendre dans l'émission, c'est qu'il y a une raison différente, pardon. On a tous notre identité, on a tous nos qualités, et c'est juste ce qu'il faut retenir, et on se suffit à chacun, donc Chacun apporte son univers. ouais, exactement, c'est ça. C'est ça qui est bien dans l'émission, je trouve. On sent que tout est fait pour que ce soit bienveillant, même s'il y a, enfin, c'est Ouais. une compétition. Ah oui, bien sûr, franchement, bah justement, j'ai été agréablement surprise parce que même entre candidats, on peut avoir cette peur quand tu fais des émissions comme ça, de éventuellement ce côté compétition, ce côté peut-être méchanceté, ou se mettre des bâtons dans les pattes entre nous, mais pas du tout en fait. Moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Entre tous les candidats, il y a directement eu ce truc de beaucoup de bienveillance. J'ai créé beaucoup d'amitié là-bas pendant l'émission, justement. Je suis ressortie avec beaucoup d'amis en fait. Donc ça a été vraiment une vraie chance cette année. Le casting, il a été très très très bien fait. Il n'y avait que des belles âmes en fait dans le casting de cette année. J'ai vraiment kiffé tout le monde. Tout le monde s'entendait bien. C'était vraiment super. C'était trop bien. Ah, c'est cool parce qu'en tant que spectateur, enfin téléspectateur, c'est l'impression que ça donne, mais on se dit toujours peut-être que c'est juste bien filmé. Non, franchement, on s'aime vraiment sincèrement. Quand on nous voit dans le public et qu'on nous voit pleurer parce qu'il y en a un de nous qui part, c'est réel. Puis, faut pas oublier aussi que les castings de The Voice, avant qu'on passe aux auditions à l'aveugle, il y a quand même bah, presque 5-6 mois de casting, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de candidats qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois. Puis maintenant, en plus, on a les réseaux sociaux, etc. Donc, même quand on se voit pas, on peut s'appeler au téléphone. Donc, en fait, on crée des liens hyper forts, et le fait de se retrouver dans une aventure aussi grosse et aussi forte émotionnellement, parce que les gens ne s'en rendent pas compte, je pense. Il y a ce truc où les liens qu'on crée, ils sont très très différents en fait que des liens qu'on pourrait créer avec d'autres personnes dans la rue ou quoi. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même contexte, mais quand on pleure pour nos copains et tout, c'est vraiment vrai. On s'aime vraiment vraiment beaucoup. Joli. Nicolas nous dit, tu avais vraiment ta place à The Voice, ne t'en fais pas, en plus tu donnes vraiment des émotions à travers les chansons que tu chantes. Là, c'est très gentil, merci beaucoup. Et TG nous dit la belle Jade. Du coup, nous arrivons à la fin de cette émission sur la mise en beauté d'une chanteuse dans The Voice. Merci beaucoup Jade de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi. Justement, il y a une de mes de copines de The Voice là, qui est dans le live, il y a Esmé. Je ne sais pas si tu la vois dans les commentaires, et justement, c'est de ce genre de personne dont je te parlais tout à l'heure quand je disais qu'on crée des liens très très forts dans l'émission, quoi. Voilà. Trop cool, illustration. Exactement, Bonjour l'or donnant Esmé. la preuve. Vous vous soutenez même après l'émission. Ah, bah oui, toujours. Quand on te positionne dans une situation un peu extrême comme ça, nerveusement, émotionnellement, Ouais. bah, les liens en sont renforcés en fait. Non, ouais, exactement, exactement. Puis derrière, il y a aussi le fait qu'il y a un moment donné pendant les battles, en fait, on est tous placés dans un hôtel, les talents, les candidats, etc. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. En fait, c'est comme si on vivait ensemble pendant quelques semaines. Donc, les liens, ils sont encore plus forts vu que c'est très très fort en émotion. C'est très spécial, en fait. Une aventure que tu n'oublieras pas. Ah non, non, clairement pas. Chers auditeurs, vous pouvez suivre les aventures de Jade sur son compte Instagram, Jade The Voice 12, sur YouTube également. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Rendez-vous sur mon blog Beauté Imaginée pour avoir plus d'infos beauté. Et tous les replays de mes podcasts sont disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. D'avoir participé. Dernière question, Jade. Pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui ferait un bel invité? Justement, je pensais à Esmé avant que tout à l'heure, quand tu m'as posé la question. Donc voilà, Esmé, ce serait une très très belle interview pour un concept comme ça. Ouais, très, très bonne idée. Eh bien, merci encore, Jade. Bah, merci à toi. Très belle continuation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans ces prochains temps? Beaucoup de musique, beaucoup de projets, de belles choses qui vont sortir. Et je veux pas m'avancer, mais je pense fin de l'été, début du. début de l'automne, voilà, des petits idées, des projets qui arrivent et voilà. Parce que Devox, là, t'as fait créer des contacts, t'as permis d'avoir des opportunités différentes. Des contacts, des opportunités, oui. Après, moi, je sais que je préfère travailler en indépendante, en fait. Voilà, tout simplement, aujourd'hui, dans le milieu artistique, c'est plus simple, c'est plus avantageux de créer ses propres projets seuls. Comme ça, on compte que sur nous-mêmes, en fait. Donc, moi, perso, je suis plus, pour l'instant, en tout cas, dans cette optique de travailler, de travailler par moi-même, quoi. Après, je suis pas fermée aux propositions, mais il faut vraiment que ça corresponde, tout simplement, à ce dont j'ai besoin et ce que je veux artistiquement, quoi. Parce que souvent, les propositions qu'on peut te faire, enfin, je ne me rends pas compte, ça peut être de rejoindre un groupe. Ouais, c'est un peu de ce genre de choses, ouais. Il peut avoir comédie musicale, comme il peut avoir parfois des producteurs, etc., qui peuvent contacter les talents. Puis le problème, c'est que ce n'est pas toujours ce dont les talents veulent, ou dans les directions artistiques dans lesquelles de base on s'oriente et tout. Et il ne faut pas se perdre là-dedans. Donc c'est important de rester soi-même, je trouve. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le plus important en tant qu'artiste. Donc, Un producteur en général, il a par exemple un style de musique, c'est ça, ou une cible Ouais, d'auditeur. quand même la plupart du temps, en tout cas, après tout dépend de plein de choses, de plein de critères, des maisons de disques, etc., etc. Mais souvent ils veulent travailler avec toi, mais ils ont aussi leur vision, et ce qui est totalement ok, quoi. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère travailler de mon côté, quoi. On se quitte sur le message de Nicolas qui nous dit: j'ai vraiment hâte d'écouter de nouvelles chansons de Jade. J'écoute ses musiques tous les jours, je les adore. Bah, Un merci beaucoup. grand fan ici. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiré. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. T'imagines, ou nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou peins, si tu aimes la musique, le classique, l'électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment si tu fais plus ou moins que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagés en transparence.